or lease from in the morning. L'industrie a fait appel à nous parce que le public ne rêve plus. Des tueurs de rimes, il n'y en a même plus. En plus, leurs disques ne vendent plus. Les MC disparaissent comme A+. Normal, c'était des marchands de rêve. Des crèves la dalle. Des marchands de train. Depuis 10 ans, ma vie dort et ça me fait mal. Camarades, tout mon entourage soumis à un rythme infernal. M'écrire en hiver parce que l'état fait monter les tarots. Grossir en été, dégager dans la bouffe derrière les barreaux. En psychiatrie pour les rendre impuissants, est-ce que tu sais ça? Je trouve plus le sommeil, le quartier est froid comme un reste de pizza. Souvenir de ces longues nuits où je rêvais de fuir ma misère. Une petite bière fraîche et négro décollé comme suisse. Je ralentissais mes nerfs, les autres pulvérisaient leurs poumons. À jouer des flûtes de merde avec des trous d'air dans le côlon. En mode bien, j'ai quelque chose à te vendre, quelque chose à te vendre, on tire, j'ai quelque chose à prendre, quelque chose à prendre. On était des marchands de rêve, des marchands d'armes, parfois des marchands de drogue. Un bon plan et boum, ce n'était ni le Pakistan ni l'Irak, juste une nouvelle race de rats qui fume marijuana. Éclate Bélé, cognac, New Jack, tac, boum boum boum jack. On montait souvent et on pleuvait parfois. On marche en rêve. Marchand de rêve, arrive en se cachant et crève, se transforme cachant en rêve. Le marchand de dream, quand je prie, je le drive et je le brise quand mes yeux se lèvent. Quand mes yeux se lèvent. Le marchand de rêve, arrive en se cachant et crève, se transforme cachant en rêve. Le marchand de dream, quand je prie, je le drive et je le brise quand mes yeux se lèvent. Quand mes yeux se lèvent. Le marchand de rêve ne spawn pas l'improviste. Certains rêvent de bourgeoisie, d'autres cauchemars et s'appauvrissent. On vend du rêve comme du crack aux crackers. Tu t'es vu jouer au Barça et aux Lakers. T'es kérémiste avec des projets de ministres. Ouvre les yeux, on flirte avec le sinistre. Couche avec le risque. De la déchance on s'imite. Leur pute et la grand banditisme nous divertissent. Dans le cauchemar on investit. Oh le prestige me donne le vertige. Nos rêves sont des vestiges. T'as rêvé, t'as pris 13 piges. Textox, textige. T'as connu le réel avec un coup de bélier. Une paire qui s'assise mal. Le marchand de rêve, c'est le diable travesti avec la haine de Freezer. Collal. Mais clouf. Ouais frère. T'as été froid comme un Mr. Freeze. Non, chaud comme diamant noir au mont teaser. C'est le pôle nord dans chaque prise. Marchand de rêve, arrive en se cachant et crève, se transforme cachant en rêve. Le marchand de dream, quand je prie, je le drive et je le brise quand mes yeux se lèvent. Quand mes yeux se lèvent. Le marchand de rêve, arrive en se cachant et crève, se transforme cachant en rêve. Le marchand de dream, quand je prie, je le drive et je le brise quand mes yeux se lèvent. Quand mes yeux se lèvent.